salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ouais. Spécial grand concours des animateurs. Et oui, cette semaine, on fête un peu Pâques, hein, il faut le dire. Ah bon? Ben oui. Enfin, vous savez, nous, on fête Pâques longtemps. Ah oui, c'est voilà. Ça. Et donc, nous avons décidé de vous faire un petit cadeau. Ben, je crois que Gégé est déjà parti à la chasse aux œufs dans le marais. C'est pour ça que Maurice n'est pas là, il est avec ses sœurs cloches. Maurice va arriver d'un instant à l'autre. Le problème, c'est qu'on lui avait pris sa place handicapée sur le parking de la radio. Donc, il est parti se plaindre. Le temps qu'il se gare, il arrive. Alors autour de la table, un indétrônable, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM, le Terra Nova de la radio. Oui, bientôt ce sera le Terra Nova saison 2. Hein. Alors, Bob, oui. Attends, n'oublie pas que le plus grand requin, ça s'appelle un mégalodon. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Mais je peux te le garder aussi. Tu me le garderas. Bob Ducle. Ah. Bonjour les filles. Oui, c'est un peu plus... C'est sympa et mou comme c'est un peu mou. Alors, aux côtés de Bob, nous avons un concurrent de Jacques Desange. Ah bah, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ah bah oui, non, bah non, on n'invente rien. Il nous expliquera peut-être ça dans l'émission. C'est Gégé. Oh, bravo. Bonsoir, Gégé. Gégé qui vient de sortir un livre intitulé « C'est l'histoire d'une pute ». Ah oui. Il y a également autour de la table quelqu'un qu'on apprécie parce qu'il a... de l'humour. Oui. Qui... Mais il nous en fait malheureusement pas profiter, c'est déviant. Ah, ouais. Le salopard. Mon pauvre. Oui. Et bien sûr, on attend son grand retour sur scène. Bientôt d'ailleurs. Et ce sera peut-être pas sur scène, figure-toi. Ah oui. Peut-être vous surprendre. Ah. Suspendre. C'est Frédéric Costa. Ah, très bien, ça va être une bonne émission. Donc on vous l'a dit dans quelques instants, Maurice, bien sûr, va nous rejoindre aussi. Oui, on n'est pas pressé. Voilà, avec sa pléiade. Mais je suis déjà là. Avec une pléiade de blagues et un grand nombre de blagues inédites. Ah. Oui, inédites qu'il a raconté une fois. Et que vous avez probablement déjà... On va quand même, Bob. Oui. Oui. Émission. Oui. On s'excuse. Oui. Animé. Oui. Par Philippe Bello. Ah, bravo. Bravo. Alors, pour bien commencer l'émission, oui. Je pense qu'on pourrait commencer par une vieille daube de Maurice. Ah, bah. Ah oui, ça serait qui nous avait foiré il y a quelques temps et qu'on n'a jamais rediffusé. C'est pas possible. Si. Jamais rediffusé. Jamais. Deux crayons à papier se rencontrent. Comment ça va? L'un lui répond gomme ci, l'autre lui répond gomme là. Comme si, elle est où, la comme on lui trouve des blagues de top qualité. Je veux dire, de niveau de la vanne, je veux dire, même chez Ruquier, il n'y a pas des blagues comme ça. Et il nous les foire. Pourtant, il répond comme si, comme ça. Comme ça. Oh, attends, on va faire les surprises. Eh, je vous propose, on fait les surprises, on reprend, ouais, allez, on coupera au montage. Alors, Maurice, une petite blague. J'adore les blagues de Maurice. Alors, vas-y, Maurice. Deux crayons. Ça rigole pas. Bouche. On le laisse se concentrer. Ah ouais, allez. Vas-y, Maurice. Deux crayons à papier se rencontrent. Ah, bravo. Yeah. Elle est énorme, cette blague. Elle est fantastique. Comment ça va? Gomme ci, gomme ça. Oh hey, bravo, Maurice. Quand même, hein. Alors, il sera là, bien sûr, en direct dans quelques instants, oui. Avec tout son stock de blagues, évidemment. C'était avec le jour où nous recevions la compagnie Felicita. Ah oui, tout à fait. Avec notre amie Charlotte Brady qui maintenant est en Bretagne. Ah. Donc on la salue. Bah, j'espère qu'elle nous écoute. Qu'est-ce qu'elle fout en Bretagne? Des elle habite là-bas. Non, elle a monté une compagnie de théâtre par là-bas. Oh. Et puis, parce qu'elle est bretonne, elle est là-bas. J'ai oublié de vous dire quand même que dans l'émission, évidemment, pour vous en faire profiter, si vous les avez ratées, parce que ça fait quand même quelques émissions que l'on rate, que l'on fait. pas ah là. Mais merci. On vous fera profiter de quelques blagues ou quelques moments particuliers qu'on a vécu il y a quelques mois de cela dans l'émission avec plein d'extraits. Donc, vous retrouverez plein d'humoristes qui ont participé à cette émission pour cette grande soirée des concours des animateurs. Alors, ce soir, ça se passait très facilement. Nous aurons autour de la table quatre de nos animateurs fétiches de l'émission qui vont jouer, bien sûr, les uns contre les autres. On joue les uns contre les autres. Et donc là, en l'occurrence, ça, on va commencer avec la première épreuve, la première question, qui est une question, donc ça sera là le premier qui donne la bonne réponse. Mais là, je suis désavantagé, je suis tous... Ah non, ça va. Ben non, ben non. Le premier qui donne... Attends, tu seras désavantagé quand il va arriver. Exactement. Ouais. Le premier qui donne la réponse marque le point. Ah. D'accord. Et cette question est très simple. Je vous demande ce cas de très, très particulier, un cafard. L'odeur. Non, de très... Oh non, il y a des choses qui sentent aussi mauvais. Il a une moustache et il raconte des blagues pourries. Non, il n'est pas encore arrivé, ah, Maurice. Il a des pieds plats. Non. Il a des pieds plats. Non, il a des griffes à ses pieds, à ses pattes. Oui, t'as déjà vu un cafard avec des griffes? Oh, j'en sais rien, c'est tellement répugnant. Il a un cerveau. Non. Si, il a un cerveau. Oui, c'est... Mais pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il a vraiment un truc, il a un très truc particulier. C'est il a des doigts aux pattes. Ah bah j'arriverai pas à le dire. Un truc particulier, ça veut dire qu'il y a que le cafard qui est comme ça. Oui, mais je crois que le rat a un peu... Il a une moumoute. Alors, oui, et là, quand on l'empoisonne, oui, il n'y a que certains de ses congénères qui sont empoisonnés, les autres n'y touchent plus. Non. Ah, c'est quand on le... tu sais, si on les écrase, bah, les œufs se reproduisent quand même. Non. Bah, c'était quelqu'un qui m'avait dit. C'est une particularité physique ? Oui. C'est physique ? Ouais. Ils volent ? C'est pas le seul à voler. Oui, hein. C'est par rapport à ses pattes ? Non. À sa carapace ? Non, non, non, non. À sa couleur ? Non. Alors, je vais vous aider, c'est une particularité. C'est-à-dire, quand on lui fait quelque chose à ce cafard, eh bien, il... Quand on lui met un doigt dans le derrière, il bande. C'est un cafard pédé, en fait. Non, parce que sinon, je vous aurais dit, il passe dans les émissions de Ruquier. Oh, ça balance. Oh là là là là. On s'excuse, Laurent, bien sûr. Ce n'est absolument pas dirigé contre toi. Non, pas du tout. Oh, tu te démerdes. C'est Philippe Bello qui a dit ça. Oui. Bah, attends, il le dit sur... Donc, c'est un rapport avec ses pattes, tu dis. Ça lui a pas ses pattes, non. Une partie de son corps. Oui. Ses ailes. Non. Ses élytres. Non. Ses yeux. Non. Ses antennes. Non. Sa queue. Non. Son intestin. Non. C'est à l'intérieur. Non. À l'extérieur. Oui. Il a une la bouche. Son nez. Tout ça, ça en fait partie. Il a une bite. Ah, la... Il respire par le cul. La tête. Oui. Alors la tête. Oui. Il a une la tête trop. Est particulière que d'autres oui. n'ont oui. pas. Voilà. Ah bah oui. La tête est dans la carapace et elle sort pas. Il a la même tête qu'Eva Jolie. Qui a dit qu'elle avait une tête de cafard. Oh bah dis-donc, elle donne pas envie de rire. Hein. Il a des mandibules. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on la surnomme Bégon Vert. Oh bravo. Bravo. Bravo Philippe. Bravo. Il a des dents. Non, c'est pas ça. Pensez à sa tête. Je vous parce ai dit, on lui fait quelque chose. Et c'est le seul à qui on elle fait... Elle se rétracte. Non. Non, alors, il te crache dessus quand tu l'embêtes. Non. Ça, c'est la imagine, masse. T'as le cafard, tu lui fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Qu'est-ce que tu lui fais peur. Tu l'écrases pas, non. Tu lui fais peur. Tu l'approches. Non. Tu lui chantes une chanson. Pensez à certains rois de France. Il se coupe la tête. Oui, et... Elle repousse. Elle repousse. Non, non, non. Et ben, il se coupe la tête et ben, il a plus de tête, quoi. Oui, il a plus de tête. Il se sauve quand même. Et il marche quand même, oui, ben, c'est comme pourquoi les oies. Hein? Parce que son cerveau est pas dans sa tête. Non. Ben, parce que les nerfs fonctionnent encore, comme tous les autres animaux. Oui, voilà. Mais... Oh là là, GG a presque dit la bonne réponse. C'est vrai que... Oh oui, on est obligé de lui accorder. On est obligé de lui accorder. Ah. En fait, oui. Ah, quand effectivement, même. On lui coupe la tête, il continue à courir, oui, parce qu'un cafard, quand on lui coupe la tête, il vit encore 9 jours. Oh, quelle horreur! 9 jours! Non, mais attends, il faut être quand même frappadingue pour aller couper la tête d'un cafard, c'est quand même il est quand même condamné. Oui, parce qu'en fait, il est condamné parce qu'il va mourir de faim. Ah oui, puisqu'il ne peut plus bouffer. Il peut plus bouffer. Bon, allez, avant de marquer la pause et de vous lancer la première tournée de blagues, Maurice, qui va arriver d'un instant à l'autre, avait envie de vous raconter sa petite blague avec son poulain. Quel est l'animal le plus généreux, Non, non, Bob, il n'est pas là. Non, adresse-toi à Rémi ou à Rudy. Rémi, ou à Rémi. Claire. Alors, ou à Claire. Oui. Alors, mon cher Rémi. Oui. Ça, c'est en plus. C'est le petit bonus de moi. Par contre, on aurait peut-être dû faire mon cher Rémi et mon cher Rudy, puisqu'ils sont sinon... C'est très vexant. Voilà. Humilié, Rudy. Voilà. Alors, mon cher Rudy et mon cher Rémi. On est content d'être ensemble. Oui. Quel est l'animal le plus généreux? Le poulain. Ah. Oui, car quand il y en a... Oh là, ça va. Tu vas pas foirer celle-là, Maurice. Tu vas pas foirer celle-là. Je la faisais quand j'étais à l'école primaire. Et dans le micro, s'il te plaît. Attends, il se chauffe. Le poulain. On va reprendre depuis le début. Non. Ah bah écoute. Ah si, il n'y a pas d'enjeu, sinon. Bon, mon cher Rémi et mon cher Reddy. Non, il foire même les invités. Mon cher Rémi et mon cher Rudy, quel est l'animal le plus généreux? Je sais pas. Je sais pas. Le poulain, car quand il y en a pour l'un, mais il non, y en a pour l'autre. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais espèce de vieux débris. Tu peux pas les raconter. Tu peux pas. Elle est écrite sur le papier. Tu peux pas la raconter correctement. Quel est l'animal le plus généreux? Je ne sais pas. Le poulain. Ah. Car quand il y en a pour l'un, il y en a pour l'autre. Non. Pas pour l'autre. Ça va, ça va. Allez, c'est bon. Oh là là, oui, bon. C'est quand même. Non, c'est non, non, même... c'est que j'ai abrégé mes souffrances. C'est une abomination. Oh. Bon, dans quelques secondes, restez avec nous car on revient avec la première tournée de blagues. Ouais, à tout de suite. Retourne, on va se marrer. Spécial grand concours des animateurs. Et pour l'instant, oui. Pour l'instant, je vais vous le dire, c'est GG qui marque, puisqu'il a marqué le premier point de la soirée. Mais tout n'est pas fini. On va avoir d'autres questions dans quelques instants après cette première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, GG. Un type rencontre un copain couvert de bleu de griffure. Bah, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai enterré ma belle-mère. Bah, je vois pas le rapport. Si, elle voulait pas. Moi, c'est une question que je vous pose. Oui, pose-nous la question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas manquer quand on est en face d'un crotal très en colère? Son cou? Non. Ah, je sais pas. De sang-froid. Surtout pas bouger. Alors ça se passe. Le crotal est un animal à sang-froid. Ah oui. Ouais, c'était ça le. Ah d'accord. Ah, oui. Donc moi ça se passe sur la sur l'ancienne Sabena. Bonjour à tous, bienvenue sur la Sabena. Mais ça n'existe plus. Oui mais la blague existe toujours. Oui, mais ouais. Avec la Sabena vous y seriez déjà. Bien sûr. C'est bien simple, quand on partait à New York, on est arrivé à New York avant d'être parti de Bruxelles. On est extrêmement bien. Avec le décalage horaire évidemment. Mais alors donc sur Air Bruxelles, non sur Sabena. Et tout à coup il y a deux blondes belges qui font éruption dans le poste de pilotage. Ah. Oh les mains! Oh les mains! Ceci est une tourte riz! Et ne vous moquez pas de mon accent, sinon je ferai moins de 2%! Elle n'est pas belge, elle, c'est pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible, qu'est-ce que vous faites là? On vous a dit une chose? Ma copine, elle vous a dit: ceci est une tourte riz! Une tourte riz! Bon, enfin, dis donc, mais vous trompez, mademoiselle! On dit pas une étourderie, on dit un détournement, voyons! Non, une étourderie, on a oublié la bombe dans les toilettes de l'aéroport! Alors, c'est un jeune couple, Alfred et Marie, qui se marient, justement, et comme ils ne sont pas bien riches, ils n'ont pas les moyens de s'offrir une lune de miel. Donc, ils vont passer une semaine chez les parents d'Alfred. Et il y a Philippe, le petit frère d'Alfred, qui est là aussi. Et comment dire, le lendemain matin, la maman demande à Philippe, le petit frère, « Dis donc, Alfred et Marie, ils sont déjà debout ?»« Non !» Et le petit dit « Tu sais ce que je pense ?» Sa mère répond « Non, je ne veux pas savoir à quoi tu penses, c'est pas de ton âge, allez, va-t'en. Bon, tu vas à l'école, c'est bon. » Le petit Philippe revient à la maison le midi pour manger, parce qu'il va pas à la cantine. Il demande à sa mère « Alfred et Marie, ils sont debout ?» Ah ben non, ils ne sont pas levés encore, tiens. Là. « Tu sais ce que je pense ?» « Je t'ai déjà dit que je m'en fous de ce que tu penses. C'est pas de ton âge, tu finis ton déjeuner et tu retournes à l'école, c'est bon. » Il revient après l'école. Alfred et Marie, ils sont d'accord, ils sont debout. Ben non, ils sont toujours pas debout. Écoute, c'est leur lune de miel, ils ont le droit. Tu sais ce que je pense ? Bon, oui, oh, allez, ça va, dis-moi, qu'est-ce que tu penses ? La nuit dernière, Alfred est venu pour m'emprunter le pot de vaseline. Je crois que je lui ai donné la super glue. On ne peut pas finir. T'as le bonjour d'Alfred. Oui. Une tournée de blagues sans une blague de Maurice. Quel est le dicton préféré des dentistes ? Ah non, c'est pas. Non, non. Que Dieu vous protège. Mais elle est facile, pour toi, Maurice. Non. Il fallait que je la foie. Non. Il fallait que je la foie. Mais tu l'as foie. Non, mais vous n'avez pas compris. Il fallait que Dieu Philippe. Vous protège. Moi, je suis fan du rire de Philippe. Prothèse. J'imagine le jour où j'ai ça dans ma salle. Non, mais. Bon, alors, vas-y, sans la foirée. Allez, alors, refais la foirée. Alors, sans la foirée. Alors. Quel est le dicton des dentistes ? Non, le préféré. Quel est le dicton préféré des dentistes ? Je ne sais pas. Que Dieu vous protège. Mais non. Ah, prothèse, idiote. Mais c'est pas vrai. Oh non, mais attends. Putain, non, mais attends. Que Dieu vous prothèse. Ah, bravo. Moi, je suis persuadé que Maurice croit qu'on a une dent contre lui. Moi, je pense plusieurs. Alors, maintenant, pour des points, puisque vous l'avez compris, dans cette soirée, il faut marquer des points. Oui. Et on à va commencer. Marquer les esprits. Voilà, avec un jeu qui s'appelle Un de plus. Ah. Je vous pose des questions. Donc, c'est on va un commencer. Moins pour l'instant. On va commencer par Bob. Bob, donc, je te pose des questions. Tu réponds bien. Tu marques un point et tu peux donc garder ton point et on passe à GG ou bien tenter de le remettre en jeu pour un deuxième point. Donc tu me dis un de plus, etc., etc. Tu t'arrêtes quand tu veux, évidemment. Oui. Quand tu estimes que tu as marqué suffisamment et de si points. Si je perds, tu perds tout. Si tu perds, tu perds. Ah d'accord. c'est encore un truc de sadique. Oui. Alors Bob, pour ce premier un de plus, est-ce que tu es prêt ? Non. C'est parti. De quelle nationalité est l'auteur de la saga Millennium ? Islandaise, irlandaise ou suédoise ? Suédoise. Correct. Un plus. Ah. Frank K. est le nom du héros du procès de Franz Kafka. Vrai ou faux ? Vrai. Et non, malheureusement, c'était faux. C'est Joseph K. Donc, tu redégringoles, mon pauvre Bob. Je suis désolé. GG. Ouais. Quel auteur français a écrit sous le pseudonyme de Stéphanie le journal intime d'une adolescente paru en 1983 sous le titre des Cornichons au chocolat. Le prince Régnier. J'en sais rien, moi. C'est une bonne femme ? Non. Non, bon. Ah, tu sais pas ? Non. Tu le sais, toi ? Vas-y, dis. C'est Philippe Labro. Eh oui, c'était Philippe Labro. Allez, donc la main passe. Frédéric, l'auteur du roman policier oui. Tout est sous contrôle. Est aussi le héros d'une série télévisée américaine. Qui est-ce ? Eva Longoria, John Hamm ou Hugh Laurie ? Hugh Laurie. Oui, c'est correct. C'est pourquoi Dr. moi, j'ai House. Pas eu droit à le choix à trois noms ? Ah bah c'est toi qui m'as ramené la boîte. Fred, un ou deux plus ou pas ? Un de plus, ah oui, un point déjà. Hein. Oui. Dans la route de Cormac McCarthy, l'événement de l'origine de l'hiver nucléaire est un séisme dévastateur au Japon. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Et tu sais pourquoi ? Non, pas du tout. Mais personne ne le sait. Donc c'est faux, c'est bien ça. Un de plus. Deux points déjà. Tu tentes. Je le tente journal le de Bridget Jones oui. est emblématique d'un courant littéraire. Oui. Par quelle expression anglaise désigne-t-on ce courant ? J'attends les trois propositions. Il n'y en a pas. Saloperie. Qu'est-ce que ça fait ? Le girl power. Non, c'était la chick list. La chiclite. Oui, c'est vrai. Je savais. Oh là là, là. Bob. Donc je retombe à zéro. Et voilà. Pour je retombe à zéro. Bob, le continent australien oui. forme le deuxième pays du monde par la superficie après la Russie. Vrai ou faux ? Attends. Le continent australien oui. forme, le continent australien voilà, forme le deuxième pays du monde par la superficie après la Russie. Non. Faux. Faux. C'est, tu as raison. Oui, parce un que point. C'est l'Australie le premier. Un de plus. Bah, je vais le garder, tiens. Un point pour Bob. Voilà. GG. Oui. Quel département français d'outre-mer a une frontière avec le Brésil ? La Guyane. Un point. Tu le gardes ou tu fais un de plus ? Le garde. Bah oui. Fred. Un de plus. Je suis un monument indien situé à Agra, dans l'Uttar Pradesh. Mausolée de marbre blanc, oui, j'ai bon, été le construit. Taj Mahal, allez. Oh, merde, un de plus. Un de plus. Quel roman maritime oui. doit-on à Pierre Loti ? Pêcheur d'Islande, Le vieil homme et la mer ou Les naufragés de Tromelin ? Pêcheur d'Islande. Oui. Et je garde mes deux points. Bob, en ouais. 2004, Laurent Godet a reçu le prix Nobel de littérature pour Le soleil des Scorta. C'est vrai ah, c'est ou bien. C'est faux ? Oh. C'est faux. C'est faux. C'est le prix Goncourt qu'il a reçu. Oh, c'est bien. Je passe la main. Pas courageux. GG. Combien y a-t-il de volumes dans la saga Harry Potter ? Oh là là là là. De volumes ? Oui. Combien y a-t-il de volumes dans la saga Harry Potter ? Non. Bob, ne souffle pas des conneries à GG qui va, après, qui va t'en vouloir. À ton avis ? Qu'il y a eu 7 films, mais je sais pas si un film correspond par volume. Ah. Alors tu me dis. Je vais dire 5. Ben non. C'est... Et non, c'était 7. Ah, ah oui. Bah... Non, mais je sais qu'il y a donc, de toute façon. De toute façon, la bonne réponse que croyait avoir, il t'a soufflé une connerie, mais la bonne réponse qu'il croyait avoir était fausse aussi. Non. J'aurais dit 7, mais je pensais qu'il y avait. En film, ils avaient, tu vois... Non, non, c'était passé. Chaque un livre. Ah, alors, à l'issue de cette partie, je dois quand même vous dire une chose extraordinaire, c'est que pour l'instant, vous êtes à 2 partout. Oh. Bob 2, GG 2, Fred 2. Sauf Maurice qui a 0. Pour l'instant, Maurice a 0. Bien sûr, on essaiera de le rattraper tout à l'heure quand il va arriver. C'est même pas la peine. On va le tirer. Nefles, ouais. Enfin. Avec une question à 5 points. On va le tirer au sort. Mais... Maurice, est-ce que tu veux la question à 5 points ? Oui, t'as perdu. Juste après cette courte pause, ça sera un premier sketch d'un de nos invités qui est venu nous voir il y a quelques mois. Donc restez avec nous, c'est la surprise. On revient avec ce grand concours des animateurs. Ouais. Quel talent. Retour dont va se marrer. Spécial grand concours des animateurs. Ah ouais, ah, bravo. Bravo les animateurs, bravo. Alors, il y a quelques semaines de ça, on a eu dans l'émission le plaisir d'accueillir Jean-Paul X. Ah, Jean-Paul X. Ça, c'est, hey, Bob, ce jour-là, a eu mal au ventre, je crois, après l'émission. Oui, parce qu'il avait bouffé un truc pas frais. Non, parce qu'il nous a bien fait marrer, Jean-Paul. Non, j'ai léché un truc pas frais. Alors, Jean-Paul, un peu de pub. Jean-Paul X passe au théâtre Le Bout tous les vendredis soirs. Ça se situe dans le 9e arrondissement de Paris, rue Frochot. Et Jean-Paul est dans On va se marrer. Ouais. Alors moi, je suis compteur de mots. Je compte les mots. Par exemple, dans Monaco, il y a un mot. C'est mot. Donc je compte un. Ok. Vous allez me dire, c'est pas très compliqué comme métier. Ne croyez pas que ce soit tout le temps aussi simple. Par exemple, dans Mimosa, il y a mot. Oui. Mais devant mot, il y a mi. Ça fait mimo. Ah ouais. Et ben là, je compte 0,5. À l'inverse, j'ai un ami qui s'appelle Mohamed, mais tout le monde l'appelle Momo. Et ben là, je compte 2. Même si certains me disent que ça compte pour du beurre. Non. Alors, vous l'avez compris, je suis un compteur de mots qui fait des jeux de mots. Alors, à ce propos, est-ce que vous savez d'où viennent les jeux de mots ? Ah non. Non, ah non. Mais ils viennent de Meaux ? Ah bah oui. Là, de la ville de Meaux en Seine-et-Marne ? Alors, il faut savoir, et c'est véridique, que les habitants de la ville de Meaux s'appellent des Meldois. Non mais imaginez deux personnes qui se rencontrent à Meaux. Bonjour, je suis parisien et vous ? Mets le doigt. Comme ça, tout de suite, on se connaît pas. Enfin, c'est un peu rapide, non? Bon, des fois, ça peut marcher. Hein. Imagine un habitant de la ville de Castres qui rencontre un habitant de la ville de Meaux. Bonjour, je suis castré. Mets le doigt. Là, ça marche. Alors, d'où vient cette appellation, mets le doigt? Il faut savoir qu'à l'origine, les habitants de la ville de Meaux s'appelaient Meaux, qui était en fait le diminutif de Maurice, Morgane, Mortard, etc. Alors, à l'époque, la ville était dirigée par une princesse aveugle qui n'avait qu'une obsession, le sexe. On l'appelait Monique. Un jour, elle dut prendre un époux. Et comme elle voulait un étalon, elle décida de convoquer un par un tous les membres valides de la ville lors d'un concours baptisé le mot le plus long. Or, dans la ville, il y avait un jardinier, c'était un géant. Il faisait 2 mètres. Ses bras de la taille d'une cuisse, ses doigts de la taille d'un bras. Par contre, son sexe, un haricot. C'est cocognette de grain de maïs. Mais c'est bien simple, tout le monde l'appelait le géant vert. Alors quand ce fut son tour de se présenter devant la princesse, qui je vous rappelle était aveugle, il entendit une petite voix intérieure qui lui dit « Mets le doigt, mets le doigt !» Ce qu'il fit. Impressionné par la taille, la princesse décida de l'épouser. En souvenir de ce jour, le jardinier devenu roi décida que désormais les habitants de la ville de Meaux s'appelleraient des Meldois. D'où des jeux de mots et des quiproquos à n'en plus finir, car le Meldois est rieur. La devise de la ville, Meldois un jour, Meldois toujours. La devise du club de sport, Meldois plus fort. Et quand un habitant de la ville de Meaux devient célèbre, on lui décerne désormais un Meldois d'honneur. Puis, il y eut un interville entre la ville de Meaux et la ville de Béziers. Meldois contre Biterrois. Alors, on ne se rappelle plus qui a gagné. Hein. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on a tellement rigolé, tellement pris de plaisir ce jour-là, que désormais, quand c'est drôle, on dit c'est un jeu de mots. Voilà. Merci à vous. Bravo, bravo. Elle est vraiment excellente. Hein. Jean-Paul Dix, donc, tous les vendredis soirs au théâtre Le Bourg, rue Frochot. À Paris, dans le 9e, et puis bientôt chez vous. N'hésitez pas à le contacter via Facebook. Jean-Paul 10, comme le nombre. Comme le chiffre. Comme le nombre. Le nombre. Amitié Jean-Paul, et on t'attend une prochaine fois dans l'émission pour venir nous faire marrer. Avec plaisir, vraiment. Hein. Eh bien, une nouvelle épreuve vous attend. Ah. Je vous rappelle que ce soir, c'est chacun pour soi, évidemment. Et Dieu pour tous. Et donc là, l'épreuve qui s'appelle habituellement la main passe. Là, la main ne va pas passer. Je vous donne des informations pour essayer de vous faire trouver, en l'occurrence, un pays. Le premier qui a une idée me dit « Top !» Ah, d'accord. Le chrono s'arrête, il propose sa réponse. Si ce n'est pas ça, je redonne des informations, mais il n'a plus le droit de proposer une réponse avant les deux autres. Ah. Ah, je crois que c'était avant les premiers 10 secondes. Non, avant les deux autres. Donc, il a déjà tiré sa première cartouche. D'accord. Donc, dès que vous avez une idée que vous pensez être la bonne... Comme Bob en 47. Il faut trouver quoi, tu dis ? Un pays. Un pays. Le top doit être bien clair, Bob. Qui c'est qui commence ? Oui, oui, oui. Personne. Ah, pardon. Oui, c'est les premiers. Donc, vous m'écoutez attentivement. Très attentivement, comme toujours, Philippe. Attention, top. Je suis une république constitutionnelle unitaire. Je suis un des pays fondés en l'an 1000 par Étienne Ier, dont la souveraineté perdue lors de la bataille de Mohac en 1526 n'est véritablement retrouvée qu'en 1920 à la faveur du traité de Trianon. Peuplé d'un peu plus de 10 millions d'habitants, je suis une puissance moyenne à l'échelle européenne. Je suis doté d'une économie de type capitaliste avec un secteur public encore important. Comme de nombreux pays anciennement socialistes, mon modèle productif a longtemps été dominé par l'industrie, fabrication de camions, autobus, du matériel ferroviaire et des moteurs dans le cadre du Comecon. Je suis membre du groupe de Visegrad, de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation des Nations unies. Situé en Europe centrale, j'ai 2009 kilomètres de frontière avec l'Autriche à l'ouest, la Serbie, la Croatie... Top. Ah. La Pologne. Ah non. Non. La main passe. Bon, mais il fallait bien que quelqu'un dise quelque chose à un moment. Donc là maintenant, GG et Bob peuvent dire top à leur souhait. T'as dit la Tchéco moi, à l'ouest. Oui. J'ai dit l'Autriche à l'ouest. Ah, l'Autriche à l'ouest. La Serbie, la Croatie, top. et la Slovénie au sud et sud-ouest. La Roumanie au sud-est. À la Hongrie. La Hongrie. Oh, bonne réponse. Bravo. Je pensais que c'est ce que tu allais dire. D'ailleurs. Je pensais à la Biélorussie qui est juste au-dessus. Non, la Hongrie, donc capitale de la Hongrie. On a parlé de l'Autriche. Budapest. Non. Oui, c'est la Roumanie. C'est Budapest. Budapest. Oui, c'est Bud et Pest. Et l'autre, c'est Bugarest. Buda et Pest. Voilà. Et alors, la monnaie de la Hongrie. Le zloty. Non. Le Djobidjoba. Le forint. Ah, oui. Le florin. Florin, c'était la Hollande. Le forint. Ah, le flo. Non, pas le flo. Le forint. F-O-R-I-N-T. Ah, ils sont pas à l'euro encore ? Non, pas encore, ils ont de la chance. Non, ils sont pas à l'euro. Danube qui passe. Eh, ça fait encore un point pour Gégé quand même. Ah, bah quand même. Hein. Alors qu'on va applaudir Gégé et. Ah oh, tardive. Suite à une arrivée tardive de l'appareil, l'arrivée tardive de Maurice. Non, bah dis donc, elle est dans un état. Après la pause. Hein, parce que le temps qu'elle s'installe. Comment ça, qu'elle s'installe ? Je te rappelle qu'il a une grosse moustache. Il est très boudiné, je trouve, ce soir. Ouais. Non, laissez-le. Bon, le temps que Maurice s'installe, on va passer. Ah, bah ça y est, il est là. Ah, bah non, il s'est installé, c'est bon. Maurice, comment ça va ? Ça va un peu essouffler. Dans le micro. Ah bah oui. Un peu essoufflé. Alors, est-ce que ce soir, tu nous as préparé des blagues inédites ? Rien du tout. Ah, c'est bien dommage. Ah bah tant mieux. C'est bien dommage, on va être obligé de repasser la blague des steaks hachés. Ah. Tu te rappelles de ta blague des steaks hachés, Maurice ? Non, pas du tout, c'était laquelle, celle-là ? Alors, ces trois steaks hachés se promènent en forêt. Non, c'est pas fini. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ouais. D'ailleurs, j'ai pas dit de conneries encore. Tu as oublié quelque chose. Ma chère Vanessa. Ouais, normalement, oui, bon, Maurice s'adresse toujours aux invités qui ont raconté. Ma chère Vanessa, ces trois steaks hachés se promènent en forêt. Quand un disparaît, les deux autres s'inquiètent mais continuent leur route. Ah. Puis un deuxième disparaît. Oh. Le troisième flippe complètement et il demande où sont passés les autres. Ah. Quand soudain, les deux reviennent en criant « un steak haché ». Oh, mon Dieu. Oui, non, c'est bon. Voilà, c'est Maurice. Et voilà. Après ça, on va dire que c'est les auditeurs. Recommence. Mais fais-la d'un coup. Non, mais là, allez, hop. Allez. D'attrait. Ma chère Vanessa, tac, t'y vas. Ma chère Vanessa, trois steaks hachés se promènent en forêt quand un disparaît. Faut un peu de bruitage, c'est marrant quand même. Les deux autres s'inquiètent mais continuent leur route. Puis un deuxième disparaît, le troisième flippe complètement. Ils se demandent où ils sont passés. Quand soudain les deux reviennent en criant on quoi ? On s'était caché. On s'était caché ! On s'était caché ! Mais c'est pas possible ! Non, mais c'est pas vrai. Elle était bonne celle-là quand même. Oui. Bon alors. Et on en profite pour saluer l'invité qui était là ce soir-là. C'était Vanessa Caillot qui est au théâtre La Cible tous les samedis soirs à 19h. C'est rue Pigalle. Très bien. Alors juste après. On fait la promo des copains. Après la pause, Maurice, il va falloir chauffer les blagues parce que ça sera la première tournée de blagues. Non, ce sera la deuxième. Maurice qui touche à tous les boutons en régie, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors vous l'avez compris, ce soir, nous avons à la fois de nombreux invités qui viennent de nous faire... On a à la fois à boire et à manger. Voilà, des sketchs. Et puis nos animateurs fétiches qui sont là pour s'affronter avec des points. Alors évidemment, Maurice qui est arrivé un peu en retard a pris du retard sur les points, donc il va se rattraper dans quelques instants. Ça m'étonnerait. Avec sa photo mystère. Mais avant ça, voici la première... Non, la deuxième tournée de blagues. Bah vas-y ma poule. C'est n'importe quoi. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Gégé, une mignonne. Ouais, c'est un petit thriller. Ah. Un type a fait la brinque toute la nuit. Il se réveille avec une gueule de bois d'enfer. À côté de lui, dans le lit, il voit une grosse pouffe. Immonde, vieille, pleine de cellulite et de boutons et qui pue. Oh. Elle a du sperme. Oh non. Oh non. Oh non. Si. Oh non. Si. Elle a du sperme au coin des lèvres. Oh non. Oh. Les enfants, on n'écoutait pas. Le mec horrifié se demande ce qu'il a pu faire dans la nuit. Soulève les draps. Plein de traces de merde. Oh non. Ignoble. C'est ignoble. Impossible. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire dans la nuit? Alors il se lève, il va chercher des aspirines. Il se casse la gueule dans une immense flaque de vomi. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire dans la nuit? Oh non, ce je reste con moi. Dans la salle de bain, il se regarde et dans la glace, il voit un fil blanc qui lui sort de la bouche. Alors il pense, oh pourvu que ce soit un sachet de thé. Quelle horreur! On s'excuse. Comment veux-tu que je raconte une histoire? Bah, il est pas bien mon thriller. Oui, oui. On s'excuse. Et bon appétit. Hein. Oh là là, c'est un couple de randonneurs sac à dos dans la campagne. La femme. Chérie, ce paysage, ce paysage me laisse sans voix. Ok, on campe ici. Alors, un matin, en sortant de la salle de bain, il y a Josie, Josie qui rejoint son mari Bob à la table du petit déjeuner. Ah Bob, bravo mon chéri, bravo. Ah vraiment, je suis contente. Bah bon, parce que pourquoi t'es contente? C'est pourquoi t'es contente. Mais je suis contente, t'as enfin réussi à plus pisser à côté de la cuvette des chiens. Oh, vraiment, comment t'as fait? J'ai pissé dans le lavabo. Alors, c'est toujours les aventures de Bob. Ah, merci. Qui va chez le médecin. Pas du tout. Donc. Oui. Ah ouais. Elles sont bien préparées, tes blagues. Ouais. Mesdames, messieurs, Frédéric Koster va peut-être vous raconter une histoire. Je la recommande. Je suis fatigué. Je la recommande. Oui, alors, on va continuer avec les histoires de Bob. Ah, ben d'accord. Donc, c'est Bob qui va chez une prostituée. Ah. Et il commence à la guicher un petit peu. Allez, bonjour, ma petite fille, bonjour. Et la pute, elle répond, bah dis donc, à ton âge, ça doit être fini, toi. Hein? Oui, parce que Bob est un peu dur de la feuille. Hein. Oui, mais pas nous. Non, je dis, à ton âge, ça doit être fini. Ben, qu'est-ce qu'elle me raconte? Comment? Je dis, à ton âge, ça doit être fini. Ah, c'est déjà fini. Bah, combien je dois, madame? C'est n'importe quoi. Ce soir, c'est hein. N'importe quoi. Je peux y aller, moi, maintenant. Ah, vas-y, on attend. Vas-y, que toi, salut là. Maurice, à bientôt. C'est un condamné à mort qui va à la chaise électrique. Et avant son exécution, il demande au avant son exécution, il demande au maton. Il demande quoi? Au maton. Au maton, tu sais ce que c'est un maton? Ah, au maton, j'ai compris, le maçon. On appelle ça un bourreau. Non, c'est un... Oui, bon, bref. Je voudrais commencer là. On va pas y arriver. Je recommence. Non, c'est bon. Là, jusque-là, on comprend. T'en étais à maton. T'en étais à hirondelle. Qu'est-ce qu'on va me faire? Demande-t-il au maton. Du calme, asseyez-vous sur la chaise, on va vous mettre au courant. Oh. Ah, oui. Ah non, attendez, elle est pas mal du tout quand même. Il n'y a pas de quoi s'électrocuter. Elle est pas mal du tout. Alors, il n'y a pas longtemps dans l'émission, on avait Laurent Violet qui est venu nous rendre visite avec l'équipe de coordinateurs. Tout à fait. Voilà. Et Laurent Violet a eu la bonne idée de faire participer notre ami René, qui est dans l'émission, qui, vous le savez, fait l'intendance de l'émission, qui est un ancien animateur. Et il l'a fait participer. Écoutez ce que ça a donné. Vous arrivez ici, il faut monter les étages. Sept à pied. Quelqu'un disait que le meilleur, c'était dans l'escalier. Hein. Et puis, vous avez un peu... c'est un peu Zorro ici. C'est-à-dire que... Et que vous avez un peu le sergent Garcia. Voilà, je l'attendais. Et puis Bernardo qui nous sert à boire. Le mec, il parle pas quand on parle. Ah si, il Il entend. Il rigole. J'aimerais qu'on entende parler Bernardo. Bernardo. René. Est-ce qu'on pourrait avoir... Ah non, bah, elle a pas de micro sans fil. Attends, il va venir. Oh là là. Tu le connais pas, il a fait l'émission pendant 10 ans. Non, c'est vrai. Attends, René. Parce qu'il a fait l'émission pendant 10 ans. Parce que pendant qu'on vous parle, il y a quelqu'un qui vous sert à boire. Lucas Baran, mon fils, qui a une vraie voix. Oui. Moi, là, c'est Laurent Violet qui vous parle. Oui. Maintenant, je vous présente mon père. Oui. Et moi. Voilà. Toute la famille au complet. Dark Vador. C'est un bien baiser. Merci, grand-père. C'est un bien baiser, Laurent. Bon, Laurent Violet qui se marre bien toutes les semaines avec son équipe de candidats. Ah, c'est une équipe de fous furieux. C'est tous les dimanches soirs à 20h. C'est au Feu de la Rampe, au théâtre Les Feux de la Rampe, à côté des Folies Bergères. Allez-y, ça coûte 5 euros ou 10 euros la place, quoi, ou 8 euros. Enfin, c'est pas cher du tout. Et on passe une soirée, il y a plein de monde. Et on découvre des jeunes talents, c'est extraordinaire. Alors, dans quelques instants, l'épreuve de la photo mystère. Ah merde. Car, bah oui, il faut mais quand mais même. Mais Maurice pourra pas marquer de points. Mais si, justement, ça va être une règle un peu améliorée pour que Maurice récupère les points qu'il a pris en retard, parce qu'il a pris l'émission en cours de route. Il n'y a pas de raison qu'il ait moins de points que vous. Donc, juste après cette courte pause, Maurice va donc se lancer dans cette mystérieuse photo qu'il détient dans un pli cacheté. Prêt, Maurice? Oui. Oui! Oui, oui. Oh là là là là. Allez, on revient dans quelques instants pour la photo. Retourne, on va se marrer. Avec, vous l'avez compris, ce soir un spécial grand concours des animateurs et puis plein de sketchs de nos invités qui sont venus nous voir il y a quelques semaines de cela. Alors là, une épreuve, on va demander à Maurice, parce que Maurice est arrivé un peu en retard, donc il a des points de retard. Parce que... C'est pas de ma faute. Non, mais on sait, Maurice, c'est pour ça. Donc on va modifier légèrement la règle de la photo mystère. Tiens, cache-la la photo mystère. Donc Maurice doit essayer de faire découvrir ce qu'il a sur une photo mystère, sans prononcer bien sûr le mot qui compose la photo mystère, ni un mot interdit. Donc Maurice se joue par tranche de 10 secondes. Chaque 10 secondes qu'il va faire, si vous ne trouvez pas, il marquera un point. D'accord. Eh ben, il va en marquer plein. Hein. Il va en marquer des points. Donc il doit quand même jouer. Non, mais il faut quand même qu'il joue, parce que sinon, là, il y aura. Ah oui, là, il y aura exclusion. Non, il faut. Là, il joue vraiment, mais si vous ne trouvez pas, il marque un point à chaque session de 10 secondes. Et nous, on dit top pour donner une réponse ? Non, il vous donne des informations pendant 10 secondes. Mais qui répond alors ? Ben, le premier qui trouve. Ça va être dur, hein, Bob ? Je sais pas. Ah bon. Stop. C'est un animal qu'on peut trouver dans un pays chaud, mais qui aime aussi la température, notre température à nous. On peut le trouver. Le cheval. Non. Non. Quoi? Ce n'est pas le cheval. Non, c'est pas le cheval. Un point pour Maurice. Alors, stop. Ah oui, c'est après les premiers 10 secondes qu'on donne la réponse. Alors, stop pour une deuxième fois. Attends, reprends parce que là, il y a Bob. Oui, là, t'as gagné 5 secondes. Il y a Bob qui t'a pourri 5 secondes. Ouais. Alors, vas-y, Boris. Alors, stop. Il peut avoir une dimension de 10 à 50 cm. Il peut changer de couleur. Ah ça, c'est une belle bête. Le caméléon. Ben non, ça ne vit pas chez nous. Hein. Si, moi, j'en ai un chez moi. oui, on a droit à une réponse. Là, il change de couleur. Le renard. Ah oui, le renard, ça change de couleur. Ah bah, il y en a de plein de couleurs. Ah bah oui. Non, mais il change pas de couleur. Ah oui, non, mais avec Maurice. oui, c'est vrai. Alors, ce n'est pas ça. Donc, un deuxième point marqué par Maurice. Stop. Il a sur le dos des écailles. On le met toujours sous une lampe. Bah, c'est un lézard. Ah. Le tatou. Ah. Non. Oui, mais bah c'est marqué dessus. Ça ne vit pas chez nous, le tatou. Mais non, mais c'est marqué dessus. Il a raison. Il dit non. Hein, c'est non. C'est pas non. Oui, non, mais il faut le dire, Maurice. On est à la radio. Non, mais non. Non, c'est non. C'est non. Non, là, il est obligé de dire non. Bah, attends, j'ai rien dit, moi. Il a le nom de sa photo mystère et le. C'est pas ça. Qu'on met sous une lampe. Attends, j'ai rien dit, moi. Une vieille chez le coiffeur. Non. Alors, Maurice. Stop. Il a des pattes palmées. C'est doux comme, comme animal. Bob. Ça veut dire quoi, c'est doux comme animal? Bah. C'est gentil? Gentil, oui, gentil. Hein. Ah, un animal palmé. Oui, avec des écailles sur le dos. Un lézard. Mais il doit. Une tortue? Ah. Non. Une tortare? Un lézu? Je sais pas. Ah non, mais on peut pas accepter n'importe quoi non plus. Il y a une réponse bien précise. Oui, mais maintenant, je suis vraiment embêté maintenant. Hein. Bah, t'as pas parlé de couleur. Ah. T'as pas parlé. Ah oui. Ah oui. Alors. Attends, je te mets le point. De quelle famille c'est? Ah oui, voilà. Oui, non plus. Oui. Ah oui, il a plein de choses à dire. Là. Oui. Alors, stop. Il peut avoir une couleur verte. Ça dort souvent. La nuit. La nuit, oui, ça dort la nuit et même le jour. Hein. Un chat, ça n'a pas d'écailles. Je sens que Bob va gueuler après. Pas encore. Je préviens les auditeurs de préparer... Moi, je suis persuadé que ce n'est pas un animal qui vit chez nous. Hein. Bah non, parce que c'est sûr et certain, là. Hein. Un animal des pays chauds, donc évidemment. Alors, s'il vit dans un aquarium, si il ne vit pas chez nous. Écoutez ce que j'ai dit. Un iguane? Oui. Oh. Oui, une iguane. Ouais. Mais ça ne vit pas chez nous, les iguanes. Pas du tout, il n'y en a pas chez nous. Pas en liberté. Ah bah personne n'a personne. Ah non mais dans les eaux, t'as des animaux du monde ça, entier. Ça, je vais encore me faire engueuler. Hein. Ah bah oui. Ça ne vit pas chez nous. Je vous avais prévenu, chers auditeurs. Bah oui, ça ne vit pas chez nous. Comme les crocodiles, il y en a aussi dans les eaux. Non, mais, oui, mais ça ne vit pas chez nous. Ah bah si, voilà. Mais il y a des gens qui en ont chez eux. Mais oui, mais pas oui, en mais liberté. Non, mais... À l'état si, naturel. Ça, tu peux le laisser mais en liberté. Pas en liberté. Eh bah, t'as le droit de le mettre en liberté si tu veux. Bah non, il crève. Oui, il passe, il a pas assez chaud. À New York, il y en a dans les égouts de New York. Puisque t'as dit toi-même qu'il fallait le mettre sous une lampe. Ah oui, alors ça ne vit pas chez nous. Ah, bon, alors, donc c'est un point pour moi. Alors, un point pour Fred. Voilà. Est-ce que vous avez une idée sur le mot interdit que Maurice n'avait pas le droit de prononcer? Lézard. C'était une iguane. Bravo, Fred. Pardon, 2 points pour moi. Lézard. Eh bien, voilà. Lézard. Fred marque les 2 points. Ouais. Ce qui permet quand même à Maurice... Oh, c'est nul à chier, ton truc. En quelques instants, de remonter la pente. Ah, bah, t'aurais pu dire qu'il ressemblait à Martine Aubry, quand même. Et n'empêche que Maurice... Oui, il a l'air aussi aimable. En quelques instants, a remonté la pente et a marqué 4 points. Ah, Maurice. Bravo Maurice. Bon, alors, il y a quelques jours de cela, on a eu le plaisir d'avoir dans l'émission José Cruz. Ah, José Cruz. Un GG. Oh, je l'adore. Ah, bon, allez, écoutez ce sketch magnifique qu'il nous avait fait en direct. On vous dit juste après où vous pouvez le voir actuellement. Donc moi, mon rêve quand j'étais petit... c'était d'aller à Hollywood, faire du cinéma. Je suis fan en super-héros. Ils ont fait quoi? Superman. Je le fais trop bien. 10 années de mime. Alors que nous, en super-héros, on a fait quoi? Cherchez pas, il y en a qu'un. Joséphine, ange gardien. Oh, le méchant va s'échapper. Vite, poursuivons-le. Attention, obstacle. Ah. Fais chier les trottoirs. Ça, c'était mon rêve. Quand j'étais petit, comme tous les gamins, je voulais sauver la planète, être un super-héros. Mais maintenant, mon grand rêve, comme j'ai un peu grandi, ça serait de jouer dans un conte de fées moderne. Avec une princesse moderne. Au secours, au secours! Je suis enfermé dans la plus haute tour du château. Au secours! Ils m'ont coupé Internet! J'ai plus accès à Facebook! Je peux plus discuter avec mes 3747 copines! Qui savent même pas que je suis leur copine! Ma vie a foutu! Rien à foutre, je saute! Non! D'abord, faut que je laisse un message, sinon ils vont s'inquiéter! G-S-O-T. J'ai sauté. Allez, adieu, monde cruel! 1, 2, ah merde, j'étais au rez-de-chaussée. Ah, un pompier! Aïe, aïe, aïe! Monsieur le pompier, monsieur le pompier! Aïe! Je me suis foulé la clavicule du genou. Faut faire un bandage. Allez-y, bandez, bandez. Ouais, vous êtes mon héros. Je peux avoir votre numéro de téléphone perso? 18. Merci. Comme ça, je pourrais vous envoyer un sexto. Bon, ça, c'est mon rêve aujourd'hui. C'est mon grand, grand rêve. Mais c'est dingue comme on voit aujourd'hui comment le monde moderne a modifié la vie, quoi. Aujourd'hui, on peut plus rien faire sans l'informatique. C'est dingue pour rencontrer quelqu'un. On a vu tout à l'heure, c'est un truc de fou. J'ai une tante au Portugal. Elle, elle a 75 ans. Elle a rencontré son mec véridique sur Mythic. 75 ans. Son mec, lui, il a 60 ans. Un petit jeune. 75 ans. J'ai regardé maintenant sur Internet, sur Mythic, sur ce site, il y a plus de 50% des gens. Ils ont plus de 50 ans. Bientôt, ce sera plus mythique, ce sera antique. Excellent. José Cruz, notre ami des José Cruz, il est venu nous voir plusieurs fois. Oui, plusieurs oui. Fois, il joue au théâtre Pandora le jeudi et le vendredi à 21h. C'est dans le 11e arrondissement de Paris, rue Keller. Et il est en tournée aussi. Il passe dans nos belles régions de France. Alors, je peux aller voir sur son Facebook pour les dates en province. Son Facebook, oui. José Cruz, C-R-U-Z. Très bien. Non, pas comment on dit en espagnol. Obrigado. Allez, obrigado. Obrigado. Obrigado, José. Bon, alors, juste après cette courte pause, les points reviennent. Car nous aurons une nouvelle épreuve, le méga quiz. Ah. Donc c'est alors là tout le monde va jouer. Enfin vous allez jouer chacun pour vous hein, comme ah depuis oui. Le début de la soirée. En vous disant que pour l'instant le seul qui est à la traîne c'est celui qui râle le plus, c'est-à-dire Bob du club. Ah. Bon. Restez avec nous. Oh, bon bien. Retour, on va se marrer. Spécial concours des animateurs qui ce soir marque un maximum de points. Quelques minutes, on retrouvera nos amis les emmerdeurs avec un sketch, évidemment. Mais avant ça, il y a des points à marquer. Des points à marquer avec le maxi quiz. Là, c'est incroyable, mais vrai. Ça rigole plus. C'est chacun votre tour. C'est un jeu inédit. Oui, c'est chacun votre tour. Vous avez droit à une petite question qui peut être accompagnée d'un peu de musique éventuellement. Éventuellement, j'ai bien dit. Et si vous donnez la bonne réponse, c'est un point de marqué. On joue pendant 4 minutes. Et bien c'est le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points. Chacun votre tour, évidemment. On va tourner le plus vite possible. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, on va commencer par Fred. On va tourner dans l'autre sens. Ah, d'accord. Comme on a commencé par Bob tout à l'heure. Attention Fred, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Philippe. Top. Toi qu'on insulte Jean Ferrat. Ouais, alors, justement, cette célèbre chanson de Jean Ferrat est sur un poème. De qui? Verlaine. D'Aragon, allez. Ah, d'Aragon, oui. Jean Ferrat, c'est Aragon. Bon, le point est marqué. Maurice, les globules rouges sont aussi appelés les hématies, les leucocytes ou les granulocytes. Hématiques. C'est incroyable, ça, Maurice le savait. Ah, bah oui. Bob, non, GG. La bouillie bordelaise est un fongicide pour les plantes, une spécialité culinaire. Ou un engrais pour les plantes. C'est un fongicide. Un fongicide. Oui, Bob. Oui, GG. Oh, t'y arrives pas aujourd'hui. Bob. Oui. Ah, ça, c'est pour toi. Le carré de l'hypoténuse est un théorème de Euclide. De Pythagore. De Pythagore ? Oui. C'est correct. Ah bah oui, quand même. La grippe H1N1 oui. A été dénommée grippe équatorienne, grippe péruvienne ou grippe mexicaine. Mexicaine ? Oui. Oui. Je me trompe pas de truc quand même. Johnny Depp. Maurice, Maurice tu connais Johnny Depp. Oui, oui, bien sûr. C'est le mari de Vanessa. C'est le mari de qui ? Vanessa Paradis. Oui, c'est correct. Ah, c'était ça la question. Oui. GG, ouais, comment se nomme la loi sur la création et Internet? Adopi, Jokari. Adopi. Oui. J'ai pas compris la question. Oui, oui, c'est ça. La loi, création et Internet. Qui interdit le copiage. C'est interdit la copie. Bob, oui. Pocher un aliment. Pocher un aliment. Oui, signifie le plonger dans l'eau bouillante, le ramollir ou le garnir de farce. Le plonger dans l'eau bouillante, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais un ami qui faisait très bien les œufs pochés. Oui, c'est vrai. Et c'est très bon, les œufs pochés. Fred, oui, en quelle année est tombé le mur de Berlin? 1989. Oui. Maurice. Carole Joseph Wojtyla était le nom du pape Jean-Paul II, Paul VI ou Jean XXIII? Jean XXIII. Mais non. Idiote, mais vraiment pour fille. C'était Jean-Paul II. Jean-Paul II, oui. C'était le cardinal Roncalli, Jean-Paul II. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai répondu trop vite. Bah oui, c'est ça. C'est, écoute. Comment s'appelle, mon cher GG, le nom du chien des aventures de Lucky Luke? Rentemplan. Rentemplan. Ramplanplan. Ramplanplan. Oui, comment tu dis? Non. C'est... Alors, il y a Rentemplan, Ramplanplan ou Ramplantan? Non, rend le premier. Rentemplan. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, Bob. Oui. Ça fait 18 minutes, là, non? Non, c'est la dernière question. Des mots antonymes sont des termes de sens contraire? Sont des termes uniquement employés au pluriel ou sont de même signification? Non, au contraire. De sens contraire. Oui. Eh bien, la partie se termine. Alors, là, vous avez quand même marqué un maximum de points. Alors, bon. Maurice, à ce stade de la partie, 6 points. Oh. GG, 6 points. Oh. Bob, 5 points. Ah, oui, je suis à la traîne, Bob. Mmh. Et celui qui mène devant tout le monde pour l'instant, c'est Frédéric Koster. Ouais. D'accord. C'est celui qui couche. Ah oui, mais pas avec toi. Hein. Combien de points? Eh bien, avec 7 points. Hein. Donc, ça mérite bien une petite tournée de blagues. Ah oui. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. 15-0. 15-0. Alors, GG. Quelle ressemblance y a-t-il entre les couilles et les témoins de Jéhovah? Tu pourrais dire les testicules, les coucouilles. Les couilles et les témoins de Jéhovah. Et tu lui fais répéter, toi, quand oui. même. Eh bien, ils vont toujours par deux et on ne les laisse jamais entrer. Oh, mais c'est mignon. Alors, c'est Demis Roussos. Qui attend à la sortie de l'école. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Ah bon, il chantait ça? Bah oui, avec son Walkman. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Pardon, monsieur. Oui. Vous attendez un enfant? Non, j'ai toujours été comme ça. Alors, vous savez que quand on meurt, si on a été gentil, on va au paradis. Ah. Et c'est Saint-Pierre qui vous emmène au paradis. Ah bon? Dans sa voiture de Saint-Pierre. Ah. Et où est-ce qu'on s'assoit? De quel côté? Bah, on s'assoit à droite, parce que c'est la place du mort. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, donc démerdez-vous avec ça. Mesdames, messieurs, Maurice. Ah, la blague de Maurice. Voulez-vous que je vous raconte une histoire? Non. Il était une fois une tortue qui montait là une colline. Et alors, attends, laisse-lui le temps de monter. Bravo. Merci. Oh là là. Et il est content. Mais Maurice, il est content de lui. Maurice, et là, je vais pas le blâmer vu le. Ah oui. Le but que je viens de me prendre. Ouais. Maurice, t'as quand même fait mieux hein, dans l'émission. Notamment, on a bien aimé quand, avec notre invité Samuel Larocque, on avait bien aimé quand tu avais fait le sketch de la maman araignée avec Samuel Larocque. Ah, et on va l'écouter. Ah ben oui, on l'a. Et on attend que ça. Une des blagues fétiches de Maurice. J'ai oublié de te prévenir de ça, celle-là. Attention. Jouer en duo avec Maurice. Et alors, il y a une blague qui est très très bien, que Maurice aime bien. C'est la blague de la maman araignée. dont la fille vient dîner. Donc Maurice va jouer le rôle de la maman araignée. D'accord. Donc toi, tu es sa jeune fille qui vient lui rendre visite. Et du coup, comme il est tard, la maman te propose de rester dîner. Alors Samuel, acteur studio, hein. Surtout, ne perds pas le fil. Moi, je vais lui faire une toile. Maurice et Samuel, le sketch de la maman araignée. Mais c'est toi, c'était la maman. Ah oui, bon. Attends, la vieille. Elle arrive. Entrez. Ah, c'est ma fille araignée qui passe me voir. Bonsoir, mamie, enfin maman. Sois correct avec les vieilles. Est-ce que tu viens dîner ce soir? Oh, bah si tu veux, oui. Je viendrai avec mon copain Spider-Man. Ah, c'est bien. Ça, je vais te faire un bon dîner. Tu vas dîner et bon, et après ton dîner, tu me diras si t'as encore faim et si le dîner était bon. Bah, fais le dîner d'abord. Il est fait, le dîner. Qu'est-ce qu'il y a bouffé? Il y a beaucoup de choses à manger. Et qu'est-ce que vous voulez comme dessert? Mais non. C'était ma question. Alors, non, on fait. Alors, là, on dit que donc vous, allez, on passe à table. Oui, alors, on passe à table. Voilà. Ça y est, le dîner s'est bien passé. Oh, ben écoute, oui, c'est dégueulasse, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça, je te le dirai. Ça. Et qu'est-ce que tu veux par la suite? Oui, non, mais. Est-ce que t'as bien mangé? Oh, ben écoute, dit que c'était dégueulasse. Mais laisse-lui poser ta question, mon sang. Contrairement à toi, maman, je me suis bien gavé. Mais. qu'est-ce que ça comme dessert? Ah, est-ce qu'en dessert, je vais te faire une mouche au chocolat. Oh là là là là là. Est-ce que là, t'as compris? Oui, j'ai bien compris. Ah, une mouche au chocolat. La mousse, elle a fait caca. Hey, il faut quand même vous avouer que l'invité n'était absolument pas au courant, hein, ah oui. C'est fait en direct, ah donc oui. Évidemment, il découvre au fur et à mesure le traquenard dans lequel il tombe. Et le personnage. Voilà, voilà. Et donc, c'était Samuel Larocque. Eh oui, Samuel Larocque. Maurice, alors Samuel Larocque. Alors, il est sur Facebook. Oui. Et il est en tournée un peu partout en France, donc suivez-le près de chez vous. Dans quelques instants, on va continuer à se marrer, et là, pas avec les moindres. Puisque ce sont les emmerdeurs qui nous avaient bien fait rire il y a quelques semaines de ça. Et si vous vous en souvenez pas, restez avec nous. On revient juste après cette courte pause. Retour d'On va se marrer. Bravo. Alors, spécial concours des animateurs. Avant de retrouver un sketch de nos invités, des points à marquer car la soirée n'est pas finie. Ah. Et là, cette fois-ci, c'est un multi-quiz musique de film. Ah. Mais je vous propose bien sûr des solutions. Chacun votre tour. Si vous donnez la réponse directement, c'est 2 points de marqué. Si vous avez besoin d'une aide et que vous me demandez les 3 réponses, c'est là, 1 seul point de marqué, malheureusement. Alors, on va commencer par Bob cette fois-ci. Hein, Bob. Alors, donc, si tu sais, tu donnes la réponse. Si tu ne sais pas, tu demandes les 3 propositions. Ah, d'accord. Bien sûr. De quelle musique est tiré ce film? Non, de quel film est tirée cette musique plutôt? La Boum? La Boum? Mais je sais pas du tout. J'ai pas vu ce film. Mais non, c'était Dirty Dancing. She's Like the Wind. Oui, bon, on sait pas. Hein. Bon, GG. Oui. Je sais pas. Je peux te faire, c'est soit tu sais 2 points, soit tu sais pas. C'est ça la musique. Oui, 3 propositions, si tu sais pas. Putain, ouais, 3 propositions. Le dernier tango, l'enquête corse ou Amélie Poulain. Amélie Poulain. Eh bien, c'est correct. Bravo. Ah oui. Maurice. Oui. Si tu sais, Maurice, direct, si tu sais pas... Diamant, Comment? Non. Sinon, je te fais 3 propositions. Alors, 3 propositions. Certains l'aiment chaud, certains l'aiment froid ou bodyguard. Certains l'aiment chaud. Oui. Ah oui, mais Maurice connaît les musiques de films. Non, mais c'est là même moi qui suis, alors je connais rien. Frédéric Coster. Pourquoi j'ai la plus difficile, savoir ça, hein. Attends, c'est toi le spécialiste. Ah, bah 3 propositions. Seven, Hannibal ou 8 Miles. J'en sais rien du tout. Seven. Et oui. Ça, c'est dégueulasse. Bob. Oui, j'entends. Je connais pas, ça, pour l'instant. C'est tout, le... Oui, tu peux avoir 3 propositions. Alors, 3. Memento. Je connais pas. True Romance. Je connais pas. Ou The Game. Ah ben, le game, je connais ça un peu. Oui, mais c'était True Romance. Ah, d'accord. GG, écoute bien. C'est un western, ça. Moi, ça me dit quelque chose. Je déteste les westerns. Je sais pas si... Ouais, le... 3 propositions. Alors, Stigmata, La Ligne Verte ou Amistad. Allez, La Ligne Verte. La Ligne Verte, c'était Amistad. Ouais, ben... C'est... Là, c'est pour Maurice, qui est très fort. J'aurai une réclamation tout à l'heure. Hein. Allez, les 3. Le Village, Apparence ou Signe. Mais c'est un peu Signe. C'est correct. Oh.

Retour on va se marrer. Alors, en fin d'émission, comme chaque semaine, Frédéric Koester nous le sort. Et alors, moi, je vais tester votre mémoire parce que c'est une rediffusion de quiz. C'est un quiz qu'on a déjà fait dans l'émission. Ah, c'est pour moi. Et c'est un particulièrement difficile que je vous avais concocté. Puisque vous n'avez pas voulu, pendant la pause, je me suis fait insulter par Bob qui ne voulait plus de musique de film. Parce que j'en avais préparé plusieurs pour aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas le quiz sur les musiques de film. Ça sera un quiz sur les chaussettes. Sur les reprises, pardon. Ah, elle est bonne. Elle est rigolote, la chocolat comme ça. Donc, y a... Quelle couleur elle est, ta chaussette? Elle est noire? Oui. Ah, c'est bien. Ah bah oui, tiens, juste, tu crois pas si bien dire. Il y a on va entendre 9 extraits en dehors du jingle. 9 extraits, et ce sont des reprises. Donc des chansons qui ont déjà été chantées. Ah, d'accord. Donc nous allons entendre une version. Je vous demande de me dire qui chante, entend chanter. D'accord. Et en plus... De qui est cette chanson à l'origine? Qui a créé cette chanson? Version. Voilà. Quelque sorte. Alors Bob, le tout premier extrait qu'on va entendre. Eh ben, ça sera le premier extrait. Bah, c'est le jingle. Ah oui. Je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Et me laissant à mon destin et partir d'un matin plein de lumière, il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud pour les jeunes. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Si. My love for you. Alors moi je me marre. Parce qu'il y a un extrait où il y a 4 noms à trouver, puisque c'est un duo qu'on entend et c'était un duo à l'origine. Et il y a un duo qui est repris et qui est repris 2 fois. Oh là là là. Oh, c'est dur. Très fort. Oui. Moi de toute façon, à chaque fois, quand j'en ai trouvé, j'ai trouvé qu'une version. Ah. Alors, la première. La première, oui, bien souvent j'ai trouvé. Une fois j'ai trouvé la deuxième. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Maurice? Comme Maurice, on la décompose. On la et depuis le temps, je suis décomposé. Ah bah oui. Alors, Bob. Si, je sais, mais je sais plus. C'est la version originale. Il y a Françoise Hardy. Françoise Hardy, la version originale. Ah oui. Oui, mais c'est la nouvelle version. Ah ben ça, je m'en rappelle. Ça, les filles, là, c'est pas Jimmy Somerville. C'est Jimmy Somerville, oui. C'est un garçon qui chante. Ah, c'est un garçon. En fait, c'était plus exactement le groupe Les Communards. Voilà, exactement. Bon, ça, c'est Eddie. Eddie Mitchell. Alors, là, mais la version originale... Après, il y avait Aznavour. Ah, c'est Aznavour. C'est une chanson d'Aznavour, il y a encore. C'est Sinatra. Ouais, c'est Sinatra. L'original, c'est Paul et Simon et Paul Garfunkel. Ah, Simon et Paul. Simon et Garfunkel. C'est pas la Mario Tatélé, ça? Non, c'est Téléphone Ken, c'est pas bon, ça, c'est Gainsbourg. Gainsbourg. Et la version originale, c'est Edith Piaf. Oh, Bravo, Gigi. Ah, mais attendez, vous les avez tous là. Bah oui, je t'ai dit. Non, le suivant, vous l'avez pas. C'est l'original. J'ai pensé à Kylie Minogue. Non, mais à l'époque, l'original, Rick Astley. Rick Astley. Ah, Rick Astley, bien sûr. Et là, c'est qui? La reprise, là, c'est pas la tante de Dionne Warwick. C'est comment il s'appelle? C'est Barry Manilow. Barry Manilow, oui. Françoise et Dutronc. Voilà. Il y avait Mireille. C'est mais ça. Par je sais plus c'est avec qui elle chantait. Ah oui, Mireille. Mireille et qui c'est qui chantait avec Mireille? Qui écrivait des chansons plus, avec Mireille? Ça, je me rappelle plus. Ouais, mais non, pas qui écrivait Sablon. Voilà. Sablon. Ah, Sablon. Sablon. Oui. Sablon. Ouais, c'était moi, j'ai trouvé le deuxième. J'ai trouvé l'ancien. Et alors, je sais plus. Oui. C'est John Kelly. Bravo. Ah, voilà, John. Voilà, mais je... Dassin. Bon, ça, c'est Dassin. Oui, toujours avec Simon et Garfunkel. Bravo, Gégé. Moi, j'adorerais ça. Là, j'espère que Bob a trouvé. Ah oui, le Bob. Dernier, j'ai pas trouvé. Ah si, si, si, Bob. Si, si. Ah, si. L'original, t'as intérêt à me la trouver. Hein. C'est John Warwick. Mais non, c'est... ah oui, mais c'est les Bee Gees. Là, là c'est les Bee Gees. Ça, c'est les Bee Gees. Et la version originale. Ah, John Warwick. John Warwick. Bravo. Ah. Le 23 mai à l'Olympia. Alors là, moi, je dis qu'une seule chose. Chapeau. C'est que, alors là, que ça soit Maurice, Gégé ou Bob, ah, bravo. Il mérite vraiment les applaudissements. Bravo. Oui, on en a trouvé quand même. Alors, c'est extraordinaire. Hein. Et de manière tout à fait exceptionnelle, puisque nous n'avons pas d'invité aujourd'hui, je ne réclamerai pas mes acclamations. Ah, non, c'est si, pas possible. Oh, si. Oh, et les, si. Oh, les acclamations non, de Don Saluste. Bon, alors, mes acclamations, l'homme de Dieu. Viva Don Saluste. Oh, monsieur viva est bon. Don Saluste. Il nous reste. Riche. Oui, mais ça, c'est vrai, c'est pas une. Pour le. Maigre. Ah, oui, pour non, le. Ça, c'est un mensonge. Allez, pour le plus grand désespoir des auditeurs, voici la dernière tournée de blagues. Ah, ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Un mari demande à sa femme: chérie, combien, avec combien d'hommes as-tu dormi? Mais mon chéri, un seul avec toi? Avec les autres, j'étais réveillé. Non. Ah, dis donc, chérie, dis donc. Eh oui, avec ton accent, là, tu viens d'où? Il y avait les Cuba, Cuba, la fiesta, Cuba. Ah bon, je peux poser une question? Oui, bien sûr, tu peux me poser des questions, toutes les questions que tu veux. Mais pourquoi il n'y a pas de prie-dieu dans les églises de Cuba? Ah, d'accord, tu sais pas pourquoi, mais je vais te le dire pourquoi. Parce que les fidèles Castro. Il est content. Il est content de sa blague. C'est pas possible. Allez donc, allez donc, ouais, hier, putain, hey. Je rentre à la maison. Ouais. Je trouve ma gonzesse au lit avec un chinois. Oh. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ah oh ben rien, je parle pas chinois, moi. Et vous savez pourquoi les chrétiens se bouchent-ils les oreilles avant de rentrer à l'église? Non. Bah non. Parce que Jésus-Christ. Oh, oh, oh. C'est un festival. Oh là là là là. Moment très fort dans l'émission. J'ai cru que t'appelais ta mère. Maman. C'est les scores, car je vous rappelle quand même qu'il y avait un enjeu important ce soir, ah oui, puisque penses. C'était le grand concours cette des animateurs. Alors, je dois dire une chose, mon cher Bob, oui. C'est que tu n'as pas fait fort. Non, ça c'est clair. Oh, bah, attends, tu me poses des questions que je ne connais même pas les réponses. Ah ben oui, c'est clair. Bah, voilà. 5 points pour bon, Bob. Bravo. Ah, ils sauvent l'honneur, ils sauvent l'honneur. Bravo Bob. Plus fort. Bravo. Juste derrière Bob, pas mal du tout quand même. C'est bien, hein. Ah, ouais, juste c'est... devant Bob. Oui, GG ah, oui. Avec ah, oui. 7 points. Ah oui, c'est devant Bob. Ça, si je fais derrière, je m'en vais. Frédéric Coster oui. mérite des applaudissements quand même. C'est pas vrai. Si, c'est pas possible. T'as marqué 9 points. Oh et me dis pas que c'est l'Otanche qui a gagné quand même. Oh, bah, tu parles avec son iguane qui se balade sur les Champs-Élysées, évidemment. Et Maurice va mériter vos applaudissements car il a marqué 8 points, donc c'est Fred qui gagne. Tu vois Fred, c'est pas toujours moi qui porte malheur à Bob. Oui, mais là on jouait oui. Chacun pour soi, donc, on n'était pas en équipe. Bon allez, on va vous remercier tous les quatre pour cette participation bien sympathique. Merci à Bob du club. Ouais, au revoir les filles. À GG, ouais. Frédéric Coster. Ouais. Maurice. Ouais. Merci. Réalisation de Davy. Ouais. Animation Philippe Hélo. Ouais. Et Fred, on va quand même saluer nos quatre petits camarades qu'on a retrouvés. René soir. Pour l'intendance, oui. Quand même. René, bien sûr. Alors, les quatre petits camarades qu'on a eu dans la soirée. On a eu Samuel Larocque, que vous pouvez retrouver partout où il joue. Oui. Les emmerdeurs à l'Alambic Comédie dans le 18e. José Cruz au Pandora, c'est dans le 11e. Et nous Jean-Paul. Avons... Et Jean-Paul Dix qui est au théâtre Le Bou, c'est dans le 9e à Pigalle. Merci à tous les quatre. L'émission sur Internet, vous le savez, chaque semaine, si vous voulez retrouver les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Sinon, vous vous inscrivez sur iTunes pour avoir le podcast en direct. Et puis encore mieux, Facebook, la page Facebook On Va Se Marrer, il y a les photos de l'émission et le lien vers tous les sites de nos invités. Et les blagues loupées de Maurice aussi, j'allais les oublier, elles sont sur Facebook. Exactement. Merci de votre patience, à la semaine prochaine. Ouais.